Le dépouillement, partie 2. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Concernant le dépouillement, c'est une étape que peuvent vivre des individus qui connaissent un processus de conscientisation où l'on a délaissé des formes anciennes, donc de se libérer de conditionnement, mais c'est une étape qui est transitoire, c'est-à-dire que lorsque la personne apprend à fonctionner en lien avec de la forme sans y adhérer émotivement et sans se lier psychiquement à elle, en ne se laissant pas conditionner par elle et en ayant un fonctionnement psychique qui est auto-régulé sur le plan vibratoire, bien à ce moment-là, elle n'a pas besoin continuellement de se dépouiller de formes auxquelles elle est attachée parce qu'elle apprend à fonctionner d'une manière qui est libre de l'attachement à la forme qui occasionne le karma. Donc, autrement dit, le dépouillement, c'est quelque chose de transitoire que quelqu'un peut expérimenter dans le cadre d'un processus d'évolution de conscience. Donc, quelqu'un qui passe d'une conscience astrale à une conscience supramentale qui est plus subtile. Donc, c'est sûr que si l'énergie subtile veut rentrer, elle va nécessairement devoir déloger l'énergie astrale qui est plus lourde, qui est plus dense au sein de l'individu pour que le changement s'opère. Mais une fois que la dépollution psychique s'est opérée, si l'individu ne s'encombre pas de forme, s'il ne se fait pas astraliser par d'autres formes qui le lient à une conscience planétaire, une conscience qui va soumettre sa volonté à des formes, à des éléments extérieurs à elle auxquels elle donne de l'autorité, de l'importance, si elle n'a pas ce comportement-là psychologique de nouveau, bien à ce moment-là, la personne n'a pas besoin de se dépouiller continuellement. Le dépouillement, c'est un petit peu comme quelqu'un qui fait le grand ménage du printemps. Une fois que le ménage est fait, à part si la personne a tendance à s'encombrer d'objets inutiles chez elle, elle n'a pas continuellement à refaire et refaire le ménage du printemps. Le ménage du printemps que les gens vivent souvent en Occident, donc les gens lors de l'hiver peuvent accumuler certaines choses à l'intérieur de la maison et puis là ils mettent de l'ordre lorsque la température est plus chaude et ils vont se départir de certaines choses qui deviennent inutiles ou désuètes. Mais c'est utile si la personne a un comportement psychologique où elle a tendance à accumuler des choses qui ne servent pas. Mais si la personne se dépouille de ce comportement psychologique et qu'elle entreprend un fonctionnement psychique pour le reste de sa vie une fois qu'elle a fait un processus de dépouillement où elle est libre de la forme, bien à ce moment-là, elle n'a pas besoin de se dépouiller de nouveau. Et quand il est question ici de dépouillement dans le cadre de cet enregistrement, c'est en fonction de formes qui sont inutiles. C'est sûr que le dépouillement ici, c'est pas en lien qu'un vœu de pauvreté comme peuvent vivre certains moines qui vont fonctionner en lien avec des croyances religieuses. Non, la personne qui vit un dépouillement psychique, elle est intéressée à être bien dans sa peau. Donc, elle n'a pas intéressé à être pauvre, parce qu'être pauvre, c'est une attitude psychologique. Quelqu'un qui est psychique, il s'organise pour être bien dans sa peau, puis ça peut passer par la capacité d'avoir des ressources financières, d'avoir des placements à la bourse, des actions, des obligations. Sauf que lorsqu'elle intègre une conscience supramentale, elle est consciente qu'à quelque part, elle ne doit pas être au service de son argent, mais se servir de son argent pour répondre à ses besoins à elle. Donc, elle ne soumet pas sa volonté en fonction d'éléments externes à elle qui pourraient la conditionner. Donc, autrement dit, elle n'est pas, par exemple, au service de la machine, l'ordinateur, bien qu'elle peut s'en servir. Parce que si la personne est au service d'une machine, ou au service de l'argent, au service de différentes valeurs ou et points de référence extérieurs à elle, elle n'est pas libre. Donc, le dépouillement vise à amener une liberté psychique tout en permettant à l'individu d'avoir une certaine aisance sur le plan matériel et de répondre adéquatement à ses besoins dans sa vie. Quand que je parle de besoins, c'est d'être capable de s'alimenter d'une manière adéquate, avoir une maison qui est en ordre. Parce que après tout, l'intégration de l'esprit, c'est un facteur d'harmonie, de cohérence et d'ordre. Donc, quelqu'un qui vit la fusion avec l'esprit va être intéressé à avoir un ordre. Donc, il ne sera pas intéressé à avoir un appartement qui est délabré, rempli de mémoires anciennes, rempli d'objets désuets qui vont encombrer le passage ou le salon. Non, faire de l'ordre dans son esprit va de pair à faire de l'ordre avec un lieu physique. C'est d'y installer une cohérence, une harmonie, une structure intelligente qu'est l'esprit, qui va se modifier, qui va s'altérer, qui va se régénérer en fonction de la vibration. Donc le lieu d'un individu qui est en processus de conscientisation est appelé à être en ordre comme son esprit, parce que ce que l'individu fait à l'extérieur de lui est souvent en lien avec ce qu'il fait à l'intérieur de lui. Donc quelqu'un qui met de l'ordre dans sa psyché, naturellement, va avoir tendance à être intéressé à mettre de l'ordre dans son environnement immédiat, c'est-à-dire l'endroit où il habite. Et l'esprit aussi, c'est de la beauté qu'il va chercher. La beauté passe par la symétrie des formes, l'ajustement des couleurs, donc le dépouillement de tout ce qui est superflu, de tout ce qui crée une lourdeur énergétique pour aller à l'essentiel, avoir de l'espace, pour permettre à l'individu d'être capable d'avoir un lieu qui respire, qui lui permet de favoriser une libre circulation de son énergie. Et l'individu qui vit un dépouillement psychique est appelé à modifier certains comportements dans sa vie qui l'encombraient, de se libérer de certaines croyances qui allaient à l'encontre de la libre circulation de l'énergie qui faisait obstacle à son évolution. Parce qu'en réalité, plus que l'individu se dépouille de formes anciennes, de formes qui sont lourdes, qui ont tendance à le garder dans une conscience qui est basse, plus que ça permet par la suite la descente de d'autres énergies en son sein pour poursuivre son évolution psychique et son évaluation vibratoire. Donc c'est comme un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux. En ce sens que plus l'individu fait de l'espace en lui pour intégrer de l'énergie, plus il devient fluide, plus il devient filé, plus qu'une grande quantité d'énergie peut descendre en lui, plus une grande quantité d'énergie qui descend en lui, plus qu'il y en a d'autres qui peut descendre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, un mouvement d'expansion dans la capacité de l'individu à intercepter une vibration qui est en lien avec sa capacité de se dépouiller de l'inessentiel du point de vue de l'esprit. Et l'inessentiel, c'est tout ce qui retarde l'individu dans son évolution. C'est tout ce qui l'empêche de bouger. C'est tout ce qui le garde coincé. C'est tout ce qui l'empêche de respirer. C'est tout ce qui le garde figé dans des formes anciennes. C'est tout ce qui le garde constipé. Donc, c'est tout ce qui fait entrave à sa capacité en tant qu'être de manifester son plein potentiel dans son existence. Donc, si la personne ne peut pas générer une parole qui est dépouillée des préjugés, qui est dépouillée de l'astralité, eh bien, cette parole ne pourra pas être porteuse d'une vibration qu'il va régénérer et favoriser sa vitalité et sa liberté psychique. Donc, le dépouillement dans le cadre d'un processus de transition psychique, dans le cadre d'une évolution de conscience, est fondamental, bien que c'est une étape. Donc, les gens, ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas que non plus que le dépouillement soit un comportement psychologique maladif, un peu comme ces gens qui vont faire vœu de pauvreté, de chasteté, pour se couper de la matière. C'est pas une volonté d'avoir du mépris pour la matière ou de s'en détacher. C'est tout simplement d'être capable de fonctionner avec la matière tout en étant détaché intérieurement par rapport à elle, en réalisant qu'à quelque part, en tant que conscience, fondamentalement, nous sommes animés par une énergie qui est de nature vibratoire et qui est esprit. Donc, si l'individu réalise que son identité fondamentale est vibratoire, à la lumière de l'esprit, et qu'il fonctionne à partir de ce feu psychique pour l'allumer dans son existence et faire une action qui est en harmonie avec ça, plutôt que s'identifier à la forme que représente le corps physique, tout en respectant le corps physique pour ce qui est. Donc, c'est pas du mépris par rapport au corps, c'est pas des pratiques ascétiques qui vont permettre l'individu d'être libre psychiquement, parce que ça l'amène à adopter un comportement psychologique ou une attitude. Donc, les gens qui vont renoncer au plaisir dans la matière, à la sexualité ou peu importe, si c'est en fonction d'un comportement psychologique qui veut se dépouiller en agissant ainsi, c'est une attitude qui peut être en réaction par rapport à un trop grand attachement de la matière. Donc, ça peut être une tentative de l'individu de s'équilibrer. Mais si l'individu n'est pas capable de composer avec la matière et de l'apprécier, et cherche plutôt à s'en détourner, à ce moment-là, c'est comme s'il veut s'empêcher de vivre un aspect dans la matière. Et c'est pas l'esprit du sujet du dépouillement qui est abordé présentement. Parce que le dépouillement ici, c'est pas de se priver de la matière, mais c'est de composer intelligemment par rapport avec elle, sans être conditionné par elle. Donc, être capable d'apprécier, par exemple, la beauté de la nature, la beauté de la musique, la beauté d'un lieu que la personne peut regarder. Ça peut être par rapport à une peinture, une sculpture, donc différentes choses qui vont permettre à l'individu d'apprécier l'existence tout en ayant un certain détachement par rapport à ces choses. Parce que quelqu'un qui viserait un dépouillement d'une manière maladive pourrait sombrer dans un état dépressif, en ce sens que la personne chercherait tellement à se dépouiller de la matière que la vie ne ferait pas sens pour elle. Donc, tout serait absurde. Il y aurait une attitude de détachement, mais qui amènerait un état d'abaissement vibratoire. Alors que le dépouillement par rapport auquel il est question dans le cadre de cet enregistrement, c'est un dépouillement qui permet à l'individu d'être libre de la matière, tout en lui donnant la possibilité d'apprécier la matière pour ce qu'elle est, dans l'instantanéité du moment présent, sans pour autant s'attacher à elle. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, peut apprécier, lorsque ça arrive, une journée où il y a du soleil, après un hiver qui a été rude, avec de nombreuses tempêtes de neige, un hiver qui semblait être intermittable, donc qui a duré très longtemps. Donc, le fait d'avoir une journée ensoleillée et de sentir la chaleur monter, ça peut être extrêmement agréable. Donc, la personne peut apprécier ça dans le moment présent, mais par la suite, une fois que c'est fait, elle passe à autre chose. Elle passe pas son temps continuellement à réfléchir parce qu'à ce moment-là, elle s'attache à la forme d'un moment, un peu comme quelqu'un qui garde un moment en souvenir, comme une photographie que la personne va entreposer sur son ordinateur. Donc, garder une mémoire d'un moment agréable dans son esprit, c'est se rattacher à du passé et c'est en lien avec une forme d'attachement. Alors que le dépouillement qu'il est question ici, c'est d'être capable d'être libre du passé, tout en appréciant qu'est-ce qui se passe dans le moment présent, puis de réaliser qu'à quelque part, c'est le fait de se dépouiller de la pollution psychique qu'on pouvait vivre inconsciemment dans notre passé, lorsqu'on n'était pas conscient des formes pensées qui avaient de l'influence sur nous, donc des conditionnements. Donc, c'est de réaliser qu'à quelque part, que si on se dépollue de formes qui nous polluaient et qui nous empêchaient d'être transparents dans notre ego, parce que lorsque la personne est colorée de formes, que ce soit des croyances limitatives, que ce soit des doutes, des préjugés, tout ça, ça l'alourdit. Et ça crée une forme de pollution psychique qui distorsionne sa capacité à percevoir la lumière derrière ce voile qu'elle crée en alimentant et nourrissant l'importance qu'elle donne aux formes qui la fascinent. Donc, si la personne est fascinée par la religion, elle est fascinée par des croyances ésotériques, elle est fascinée par des croyances philosophiques, et ainsi de suite, tout ça, ça crée une voile, une forme d'opacité alentour et à l'intérieur de la psyché de l'individu qui lui empêche de capter le réel. Alors que si elle réalise que ces éléments-là, bon, ils existent, elle vit une certaine forme de détachement, ben ça lui permet à ce moment-là d'avoir une ouverture interne et une transparence par rapport à l'énergie du cosmos qui peut chercher à se manifester en elle et être un foyer de rayonnement à sa personne à travers sa capacité de vivre en relation avec cette dernière et en harmonie. Donc, quelqu'un qui a actualisé le processus de dépouillement psychologique vit en harmonie psychique avec l'esprit parce que à ce moment-là, il n'y a plus d'éléments qui font entrave à cette union. Parce que les formes anciennes, les mémoires, les croyances, tous les éléments qui sont en relation avec une conscience planétaire sont souvent des sources de division qui empêchent l'individu de connaître un état d'unité psychique entre sa conscience incarnée dans la matière, donc l'ego sur le plan matériel, et également l'esprit. Donc, lorsque la personne est en harmonie avec la conscience de l'esprit et fonctionne en unité psychique avec elle, elle n'a plus besoin de se dépouiller de l'inessentiel parce qu'elle en est libre. Donc, elle est libre du conditionnement que ces éléments-là pouvaient avoir à l'intérieur d'elle parce qu'elle fonctionne à partir d'une volonté qui lui est propre plutôt que subit par des éléments extérieurs à elle, qui sont des conditionnements, qui sont des formes de volonté qui vont conditionner son comportement. Donc, autrement dit, la clé pour connaître le dépouillement psychique, c'est d'avoir la volonté de se dépouiller de tous les éléments qui empêchent le plein essor de l'individu, qui font obstacle à son évolution, qui font obstacle à sa croissance, à son épanouissement, à son actualisation sur le plan matériel et à sa liberté. Donc, c'est tout simplement ça l'essence du propos qui vise à favoriser une forme de dépouillement tout en étant conscient que de se dépouiller des choses, c'est pas nécessairement de s'en priver. Ça peut être d'avoir une vie agréable sur le plan matériel, mais tout en conservant, lorsqu'on expérimente la vie dans la matière, un contact avec l'intériorité qui fait qu'à quelque part, nous pouvons apprécier un repas avec des gens agréables, accompagnés de musique, donc de belles choses, tout en réalisant intérieurement que nous sommes liés à l'esprit et à son énergie de nature libre, parce qu'au-delà de la forme. Donc, c'est de réaliser qu'à travers ce qu'on peut expérimenter dans la forme, il y a toujours une partie de nous-mêmes, un point intérieur qui est au-delà de ça et qui est garant de liberté, parce que ce point interne qu'on peut capter en plein milieu de l'expérimentation de la forme nous ramène au fait qu'à quelque part, nous transcendons la forme lorsque nous sommes capables d'allier psychiquement à l'énergie fondamentale de notre être alors que nous expérimentons la matière. Donc, c'est ce qui permet de vivre dans la matière des choses tout en ayant une conscience qui est au-delà de cette dernière et ainsi connaître un état de conscience de nature intégrale.